lentement, pas à pas et forcément. Moi j'avance en regardant plus haut, toujours droit devant, sans être porté par le vent, et plus vite au réveil.